Parole d'Edouard Glissant. Une série radiophonique en 12 épisodes, présentée par Raphaël Laureau, en collaboration avec l'Institut du Tout-Monde. Été 1997. Alors que l'on célèbre le centenaire de William Faulkner et que vient de paraître Faulkner Mississippi, son essai monographique écrit à partir d'un cours donné devant des étudiants de Louisiane, Edouard Glissant partage sa vision de celui qui inventa le comté imaginaire du Yoknapatawpha, lieu pas plus grand qu'un timbre-poste, mais à travers l'histoire duquel le romancier, poète raté selon ses propres mots, parvint à dire la malédiction, la damnation, le tragique du monde de la plantation. Cela en développant un art de la parole différé qui, selon Glissant, consiste à dire, sans dire, tout en disant. Je crois que Faulkner est un écrivain de frontières. J'appelle un écrivain de frontières les écrivains de la première moitié du siècle qui se sont trouvés dans des situations difficiles parce qu'ils étaient à la limite de deux collectivités ou de deux races ou de deux peuples en contact et qui avaient des problèmes les uns avec les autres. Ce sont des écrivains qui ont expérimenté la frontière, qui ont eu l'expérience du trouble, de l'angoisse et de l'espèce de déséquilibre qui provient ces espèces de frictions qu'il y a entre des communautés, des cultures ou des peuples. Mais ça, ce ne serait pas tellement intéressant si ce n'était que ça. Mais il y a autre chose. Il y a que Faulkner, avec cette matière, a été l'un des seuls, et je crois en tout cas le premier, à poser la question « Quelle est la légitimité de ce Sud blanc, raciste, de planteurs et de propriétaires de grandes plantations, est-ce qu'il y a une légitimité ? » Et je crois qu'à partir de là, il a fait quelque chose qui est extraordinaire. Il n'a pas consenti à condamner ce système auquel il appartenait. Mais il l'a inventorié d'une manière telle que la vérité sur, ou disons, oui, la vérité, l'épaisseur de vérité sur ce système est en permanence différée. Et il ne dit jamais ça c'est mauvais, c'est ça. Mais il a une manière de renvoyer la révélation sur ce sujet, toujours à plus tard. Et à mon sens, en faisant cela, il a inventé quelque chose de nouveau en matière d'écriture, que j'appelle le différent, que j'appelle le dévoilement tragique. Exactement comme il y a dévoilement dans le mythe d'Édipe, quand il apprend au fur et à mesure que, en fait, il a tué son père et épousé sa mère. Et ce différement-là, cette espèce de dévoilement tragique, me paraît être la marque de la grande littérature, parce que cela suppose qu'on ne se laisse pas aller à des idées toutes faites, ou à des sensations toutes faites, ou à des rapports tout faits avec les autres. Et qu'il y a quelque chose qui est en suspension dans l'air et qui de plus en plus travaille et qui amène finalement à des sortes de révélations qui n'en sont pas, qui sont des révélations atterrées, des révélations terribles, mais qui me paraissent marquer le tremblement, l'ambigu, le fragile, le menacé et en même temps le compact, le tramé de l'écriture aujourd'hui. C'est parce que Faulkner a pris un lieu clos, enfermé, et qu'il en a montré l'impossible de la légitimité et les perversions de la filiation qu'il a étendu ce lieu clos à la dimension monde. Et ça, c'est l'œuvre la plus fantastique de littérature qu'on puisse faire.